R-Raid. En manchette ce soir, des manchettes. Bienvenue à 70%. C'était ça, je pense que tu peux partir le générique. Est-ce que t'as du street cred, toi, c'est en site, hein? J'ai-tu raconté la fois? Dis-tu trop. Ah bon? C'est la chanson de Dan. C'est elle. 70%. C'est plein de bon sang. Je l'ai dans le sang. C'est 100%. Je donne le minimum. Je sens comme un vrai homme. Au maximum. Notre première est au thème de 70%. 70%. Dans ce temps-là, c'était en 2005-2006. Ça commence à faire une tranche. C'est Simon Pierre qui chante. On salue Simon Pierre et mon cousin Martin Godette, que personne ici ne connaît. Oui. Sinon, ben mon nom c'est Tommy Godette, j'en parlais tantôt, très content de vous avoir à 70%. Un petit peu d'applaudissements, là, on va se mettre dedans. Let's go, let's go, let's go. Ouais, faut pas se gêner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Puis en plus, nous, ça crée comme une espèce de réverbération. Après ça, je suis d'autant plus drôle. Vraiment. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Sinon, ben ce soir, je suis flanqué par Andy et sa babine nouvellement de Joker. Andy, il est là en remplacement de Bruno et il devrait me signer un petit peu les nouvelles qu'il va vouloir dire et je vais les faire à sa place. Non, je pense que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, micro proche. Asti que t'es un warrior, Andy. Puis Bruno, ben il est pas là parce qu'il a dit Andy, on va y laisser son street cred. Sinon, ben ce soir, je vais avoir Laurent Lassalle qui est aussi VJ plus tard comme chroniqueur. J'ai une petite nouvelle très contente, Florence Payette. Tu peux venir t'asseoir avec nous en avant, Florence. Très content que t'embarques finalement. Oui. J'ai eu oui dire, on va parler des Fantastiques 4, les Fantastiques moins 4, tu peux prendre le micro puis peut-être dévierger ta gorge à la radio. Non, non, mais va pas là tout de suite, reste assis, on fait juste présenter l'émission. C'est sa première fois. Ben oui, bon, applaudissez-la, ben oui. Donc, Florence, t'es là pour nous parler de cinéma. On va recentrer un petit peu le mandat de l'organisme. Exactement. Donc, les quatre fantastiques en français que j'ai souffert pour vous. Oui, ben c'est ça. Je suis allé le voir, puis c'est ma crédit. Ouais. Moi, ma prédiction, c'est que ça finit à moins 4, parce que tout ce qui est les fantastiques moins 4, c'est à moins 4, tout le temps. Toutes les dessins animés. Sauf peut-être les comic books, là, parce qu'à un moment donné... Mais à part ça, en tout cas... Ouais. Ouais, okay. On en saura plus loin dans l'émission un petit peu plus. On va peut-être avoir Jonathan Simon. Sinon, je poursuis cette liste avec Mathieu qui est là. Il a l'air en feu, Mathieu. Hein? Ah ouais, on peut. Ben, comment c'est Mathieu. On le reconnaît, lui. Oh, et Chinook is in the house, notre danseur radiophonique. Vas-y, danse, Chinook. Ben ouais, Chinook, fais tes petits moves, là. Let's go. Ah non, c'est quoi, t'es pas gêné? Ah, oh, c'est bon. Oh, c'est du traditionnel abitibien. Très content de t'avoir avec nous. Chinook, c'est le meilleur danseur de radio de toute l'histoire du show business. On est très content de t'avoir avec nous. Et là, j'oublie un chroniqueur. Simon Bortolas. Oui, voilà. Qui va nous aussi nous amener un nouveau clip après. Ce qui nous amène, bon, finalement, applaudissez, s'il vous plaît, notre invité, Stéphane Terrien. Merci, merci. Stéphane, merci d'abord à toi d'être venu à 70%. Je veux qu'on book un dossier tout de suite. Là, ça commence notre entrevue. On se connaît pas du tout. Donc, à partir de maintenant, tout ce que tu es supposé pouvoir me manipuler, genre, c'est quoi ça fait un mentaliste? C'est quoi ton pouvoir sur moi, là? Parce que je veux savoir où mettre la ligne. Ah, où mettre la ligne? Ah, écoute, on va garder nos vêtements. Ça, je te le dis tout de suite. OK. Moi aussi, je suis un peu déçu. Ouais. Depuis le temps que vous voulez voir Tommy tout nu. Oh, on l'a vu plein de fois. Va pas là. Mais il y a une distinction que j'aimerais faire en partant. Un mentaliste et un hypnotiseur, c'est deux choses complètement différentes. Souvent, les gens confondent, là. Okay. Alors, j'ai rien à voir avec Mesmer. J'endors pas mon public. Au contraire, je les tiens réveillés. Okay? Oh! Tu t'adressais-tu à lui en particulier? Non, aux hypnotiseurs en général. OK, c'est bon. Tu crois-tu à ça, toi, qu'il y a des dentistes qui utilisent l'hypnose pour... Oui, ben absolument. L'hypnothérapie, ça existe. C'est tombé capoté, ça. Oui, absolument. Puis toi, tu fais pas ça. Toi, t'as pris comme une autre spécialisation quand t'as créé ton personnage de wizard au début. Oui, c'est ça, exactement. Tu t'es spécialisé dans l'école du mentalisme. Qu'est-ce que c'est, le mentalisme? Alors, le mentalisme, en fait, en gros, là, c'est l'art de reproduire les phénomènes paranormaux. Donc, télékinésie, télépathie, psychokinésie, clairvoyance. Okay. Alors, c'est tous ces arts-là qu'on met en scène pour créer un spectacle divertissant. Donc, illusionniste, genre. Ben, c'est un illusionniste de l'esprit, je dirais. OK. Ouais, comme ouais, là, si je te demande à quoi je pense, toi, t'es-tu prêt, c'est là? C'est pas mal vite total, je dirais. Ouais. Il est bon. Sinon, je veux souligner quelque chose qui te touche peut-être plus que nous ici. Mais quand même, Yves, ton gérant, est dans la salle et c'est son 59e anniversaire. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, bonne fête, Yves. On se lance pas dans la chanson parce que ça dure trop longtemps, mais c'est sincère. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Quand est-ce que, mettons, t'as décidé de passer à la vie d'aventurier puis de prendre ton expérience puis d'investir dans une cape et un chapeau pointu? Donc, à quel moment j'ai quitté mon day job? T'as-tu été, t'as-tu été à l'auberge puis rencontré le nain puis le... Non, pas tout à fait. En fait, ça remonte à mon enfance. J'ai toujours été fasciné par la magie au début parce que je connaissais absolument pas ce qu'était le mentalisme. Alors, j'étais fasciné par tout ce qui est, David Copperfield à l'époque et tout ça. Et à l'adolescent, je me suis vraiment intéressé aux phénomènes paranormaux. Donc, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais lire sur les phénomènes paranormaux. Il y avait un type qui était extraordinaire qui s'appelait Uri Geller. Exactement, qui s'est fait connaître mondialement à l'époque. Pour les plus jeunes, vous le connaissez sûrement pas, mais dans les années 70, il s'est fait connaître parce qu'il arrivait à tordre des ustensiles par l'unique force de sa pensée. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Donc, j'ai étudié la magie. J'ai eu un mentor en magie traditionnelle. Et à un moment donné, j'ai découvert l'art du mentalisme parce qu'à peu près dans tous les grands illusionnistes ont fait un peu de mentalisme dans leur spectacle. D'ailleurs, Copperfield a fait des numéros de prédiction. Dans le fond, c'est comme l'art de surfer la foule, de l'amener un petit peu où tu veux. Oui, on contrôle exactement. On arrive à aller chercher des informations sur ce qu'ils pensent et on les fait penser à ce qu'on veut qu'ils pensent. Donc, c'est là que ça devient un petit peu lawful evil. Et voilà. Donc, Est-ce que t'as touché à ça, toi, le satanisme et ces affaires-là? T'as pas non, peur des bûchers? On est encore dans la bonne époque. On sait pas si ça va changer. Il y a comme un vent qui tourne. Là. On est en train de retourner dans les airs médiévales tranquillement. Mais c'est ça. Disons que je suis dans la bonne époque pour faire ce métier-là. Ouais. Ça fait une vingtaine d'années. Pour répondre à ta question J'aime ça que tu appelles ça un métier. Moi, j'appelle ça comme un choix d'alignement. Tu peux pas changer après. Sinon, ça fait comme un gros problème avec ton Dieu. Oui, mais à partir du moment où tu payes tes factures avec ça, moi, je te dirais que c'est un métier. Ouais. Mais ça fait une vingtaine d'années pour répondre là, que je suis mentaliste en tant que tel. C'est là que ma carrière a pris. Comment t'as fait le saut, genre? C'est cool, pareil, que t'aies ta passion, que t'essayes de comme convaincre les... C'est bizarre, ça, ce tremplin-là, en plus. Ben, ça se fait. Je pense que comme n'importe quelle forme d'art, à un moment donné, c'est une passion qui devient... qui prend de plus en plus de place dans notre vie. Et le pouvoir obscur, tu l'exprimes, la force. Ouais. Mais c'est ça. Donc, ça a pris de plus en plus de place jusqu'à temps que ça accapare. Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu que leur fils, il deviendra jamais curé. Il a vendu son âme au côté obscur. Puis tout. Ça, ils étaient assez contents, d'ailleurs, que je ne devienne pas curé. Ah! Mais non, ça, ils m'ont pense toujours. C'est une bonne idée de ne pas devenir. Ils sont très fiers de moi. Ouais, ils sont contents. Ils ne m'ont jamais poussé ailleurs ou. Ils m'ont jamais ni encouragé, ni. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont encouragé, mais ils m'ont pas découragé non plus. Okay. Ils n'ont pas fait « Hey, tu feras pas d'argent là-dedans. » Puis pas aller mettre trop de pression de « Si t'es le deuxième, t'es le premier perdant. » Fait que là, je vais être non, là pour te dire « Je t'avais dit. » Non. Peu importe le métier, quand c'est un métier de passion, quand c'est un métier surtout artistique, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour ta passion. Puis à un moment donné, tant mieux si tu arrives à en vivre. Pis, à corrompre aussi des jeunes hommes pour te faire comme un following. Là. C'est ça, genre, t'es comme le mentor, puis tu donnes-tu des cours d'art occulte? Non, je te donne pas de cours, j'ai juste pas de patience pour ça. C'est juste ça. Ah, ouais. Lawful evil. Ouais, c'est wow, ça. Wow. Ouais. Garde ça pour moi. Et puis sinon, mettons que quelqu'un veut commencer, que t'as un jeune esprit à corrompre, là, qu'est-ce que tu lui dis de commencer par, genre? Ben, écoute ton cœur et prie Satan ou peut-être pas. Mais sûrement que ça pourrait aller plus vite. si tu fais ça, mais c'est peut-être pas le chemin le plus sécuritaire, par contre. Ben non. Mais non, mais je dirais probablement de faire à peu près le même chemin que j'ai fait, c'est-à-dire de s'intéresser à la magie en général, et le mentalisme étant une branche de la magie, mais c'est une branche qui demande quand même pas mal d'expérience scénique, parce que t'es pas appuyé. Un illusionniste va, par exemple, être appuyé par des effets visuels, donc même s'il n'est pas très bon, ces effets souvent, peuvent prendre le relais. Elles peuvent pleurer, c'est ça, exactement. Alors, la boule de feu peut impressionner assez. Voilà, voilà, ou la femme coupe en deux, ou le tigre qui apparaît, là, c'est ouais, ça. Ouais. Alors qu'un mentaliste, t'es seul sur scène, t'es livré à toi-même. Alors, si t'es pas bon, j'avoue ça que ça demande une suite, dose de courage, ça. Ça prend. Ben, moi, je dis toujours, les gens, ils me demandent souvent comment tu fais. Ben, ça prend des grosses couilles. Et voilà. Voilà. Ouais. Et voilà. Est-ce que t'as une arme de spécialisation? Est-ce que tu te bats avec quelque chose en particulier? Ou. D'habitude, c'est la dague ou le bâton, vous autres? Ouais, non. non, je me bats contre mon gérant de banque qui veut ses paiements tous les mois. Avec c'est le stylo, plus... genre. Avec le stylo, avec voilà. Le stylo. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu penses du retour des Power Rangers? Écoute, je suis sous le choc parce que tu me l'apprends à l'instant. OK, il revient. J'étais pas... Ouais, ouais, il y a un retour. Hein. Ben, écoute, il va y avoir... Attends. Oui, ben en fait, le Super Sentai, ça existe depuis tout le temps, c'est ça que tu veux dire? Ben ouais, ben c'est ouais, ouais. Ça. Là, ben même les Power Rangers, c'était les Bioman qui étaient. Et puis ils changeaient les scènes qui n'étaient pas en combat, là. Ouais, ouais, je te reviens. Puis. Jamais parti, jamais en fait, si comeback. Tu tapes Super Sentai image dans Google, tu vas en avoir longtemps, là. Il y a toutes les sets, là. Mettons, il y en a une série que depuis, c'est des insectes, il y en a que c'est du papier de toilette, il y en a que c'est les signes ça, des cartes. Ça et a commencé tout, en 68 ou de quoi? Ouais, ouais, dans l'époque d'Ultraman. T'aimes pas ça, Ultraman? Oui, Ultraman, oui. Ça, c'est plus mon époque, je te dirais. Et voilà, ouais. Et voilà. Les mais Power là, Rangers, tu dis que ça fait 20 ans que tu as commencé à... Oui, mais en fait, ça fait plus longtemps que ça que j'ai commencé le métier. Donc, comme ouais. Je disais... ça magie... fait 20 ans que tu as abandonné ta job la de magie forgeron. La magie traditionnelle pour ouais. Aller vers le mentalisme en tant que tel. OK. Donc, ça fait... Mais sinon, ça fait une bonne trentaine d'années que là, je fais ça. Là, t'es rendu niveau quoi, tu penses? Je vais être un mage 64. Un mentaliste 64, c'est on bon va, ça? On va dire. Respect. Respect. Est-ce que t'as. Une autre question? Dire ça? Non, non, moi j'en ai une. J'essaie de la placer d'une nouvelle manière parce que ben, je la demande souvent. Aidé, non? T'es un mentaliste, t'es un magicien, ça veut dire calculateur. T'essaies de contrôler la scène, d'être au courant ben, d'un maximum ça. De contingences. C'est sûr que tu joues à Magic the Gathering. Pas du tout. Mais comme j'ai commencé très jeune, je te dirais que je suis un calculateur précoce. Oh, ça c'était. Oh, j'aime ça. C'est bon, ça, Stéphane. Super sympathique à date. Tiens, donne-moi en 5. Yes. Yeah! Là, on commence le show 70% et tu m'as dit tantôt qu'à la fin, tu étais pour nous faire une petite performance. Ouais, je vais vous faire un petit quelque chose à ouais, la fin, ouais. Ouais, ouais. Genre, souiller des armes ici, hein, parce qu'on souille jamais assez, hein. Eh ben, mais non, jamais. Et voilà, c'est dit. On va commencer 70%. Ben, c'est commencé, mais c'est qu'à partir de maintenant, on va avoir des chroniqueurs qui vont défiler. Et toi, t'es avec nous tout le long du show et on t'encourage à passer des commentaires, à peut-être manipuler Mathieu pour qu'il se baisse les culottes, des affaires de même, là. D'accord. Laisse sortir toute la puissance démoniaque qu'il y a en toi. Si t'as besoin de sang de vierge, ça va être difficile, par contre. Ouais, un ouais. Peu, ouais. En tout cas... on prendra Mathieu encore. Ah, c'est bon. Bon, ben, hey, Stéphane Thérien, applaudissez, s'il vous plaît. Oui. Allez suivre ça aussi sur Facebook. T'as une page oui, Facebook oui, oui. Qui est vivant une là-dessus. Page Stéphane Thérien mentaliste ou Stéphane le télépathe Thérien. Et voilà, c'est dit. Fait que là-dessus, mon avion d'amour part le premier chroniqueur. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est parce qu'on est en difficulté. Ben oui. Voici maintenant les manchettes internationales avec Andy Jacques. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est présentement quoi, 19h15? Hein? On est vers 35. Là, ça va 35, bien. OK. On commence avec les nouvelles, les manchettes internationales. La municipalité de Reykjavik a décidé de donner à une de ses rues le nom de Darth Vader. Segway. Faisant passer la toponymie de la capitale islandaise du côté obscur de la Force. Située dans une zone industrielle à l'écart des habitations et des circuits touristiques, la rue Bratofoil doit être rebaptisée Svartofoil, Cela signifie « tête noire » en islandais, mais c'est surtout le nom du fameux Darth Vader de la Sega cinématographique Star Wars. La décision a été adoptée mercredi par la diffusion environnement et urbaniste de la ville et devait être effective une fois entérinée par le conseil municipal, a indiqué la municipalité à l'AFP. L'idée vient d'un habitant, Olig Nistisolé-Jarson, qui l'avait déposé il y a 2 ans sur un site Internet conçu par la municipalité comme une boîte à idées. « Nous avons besoin d'une rue portant le nom d'un personnage de Star Wars, c'est tellement évident », justifiait-il alors. La proposition avait plu à un fonctionnaire municipal, Nicolas Ulfard-Masson. J'ai vraiment pris cet article-là pour me pratiquer. Oui, oui. T'as comme quelque chose dans la bouche qui n'est pas... En tout cas, j'aime souffrir pour vous. Il avait fait ses remarques écrites à l'attention de ses collègues chargés de l'urbanisme. « Ça peut être approprié de nommer les choses dans notre environnement d'après des phénomènes bien connus de chaque période de l'histoire de l'humanité, qu'ils soient réels ou fictifs. » Il y a beaucoup d'exemples des rues de Reykjavik baptisées d'après des personnages de fiction, donc ça ne serait pas étrange d'appeler une rue Darth Vader. Quand ils mettront une plaque, j'imagine que j'irai là-bas avec mon casque prendre une photo. J'espère que ça fera plaisir aux gens. Commenter M. Solé-Jarson sur son blog. C'est ça. Good for them. T'as-tu un commentaire là-dessus? Ouais. Ben, vu qu'on est... Nous autres, on est dirigés par un Ewok, donc je trouve que... on les bat. On les bat. À choisir, ouais. On les bat. Parlant de... On est guidé par un Ewok. Surfant sur un trait d'humour repris en masse par les internautes américains, Brady Olson, alias These Nuts, a prouvé qu'il était possible de briguer à la Maison-Blanche sous un pseudonyme improbable et se plaît à amuser un électorat laissé du bipartisme. Le pseudonyme These Nuts, inspiré d'un mime Internet, fait mouche dans les tableaux de sondage, réjouissant le jeune garçon pourtant loin d'être en âge de devenir président, fixé à 35 ans aux États-Unis. Dans les États de Caroline du Nord et du Minnesota, l'adolescent de 15 ans obtient les faveurs de 9 % et 8 % des sondés par la très sérieuse Institut Public Policy Polling. Et dans l'Iowa, où il habite, un village d'une centaine d'habitants et s'apprête à entrer en seconde, le candidat enregistre comme indépendant convainc 7 % des électeurs. Parce que son slogan, c'est « These Nuts ». Non, non, c'est son nom. Hein? These Nuts. Le fait que j'ai pu remplir un formulaire de candidature aussi vague, qui ne réclame même pas de renseigner votre âge, montre que n'importe qui peut se présenter, a-t-il déclaré au magazine Rolling Stone. Ben oui, il y en a une moumoute qui vient de se présenter, c'est vraiment n'importe qui, ça. L'adolescent a soumis sa candidature à la Commission fédérale électorale le 26 juillet. L'ascension du candidat a de quoi faire pâlir d'envie certains politiciens aguerris, mais relégués en bas des sondages dans une course à la présidentielle de 2016 où il y a une pléthore d'aspirants. La candidature de These Nuts reflète simplement à quel point les électeurs sont dégoûtés par le système actuel des deux partis, démocrates et républicains. Juste une petite note à la fin. En Caroline du Nord, 40 % ont choisi Donald Trump. Juste là, je vais arrêter. Ouais, c'est... China. We love China. China. I love China. Chinese, they love me. Je n'ai pas vraiment envie de voir Clinton, Bush ou Trump à la Maison-Blanche, alors j'essaie juste de me défendre. C'est justifié auprès de Rolling Stone, le jeune These Nuts, qui entend poursuivre sa campagne aussi loin que l'Amérique voudra l'avoir aller. Et voilà. Et ça peut aller loin, on a vu avec... On l'a vu dans le film avec... Avec Donald Trump aussi. Exactement, oui. Une petite dernière? On y va pour une petite dernière. Un tribunal nigérien a accepté la demande de divorce d'un homme de 57 ans qui reprochait à son épouse de lui servir ses repas trop tard le soir, a rapporté jeudi le quotidien national Vanguard. Ouais. Il est rentré dans la chambre du juge, là, tu sais, puis dans la cour avec sa roche, là, son boulet, là, sa souffrance. Sa douleur. Ah oui. Ma femme a échoué dans ses obligations matrimoniales. Elle ne prépare pas ma nourriture à temps. Je l'ai averti à plusieurs reprises, mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle a déclaré Oulufad Adekoya devant le tribunal d'Ikorodu à Lagos. Arrête de dire ces affaires-là. Non, c'est fun, j'aime ça. OK. Il n'y a aucune raison d'entretenir une femme qui m'affame. Je n'en peux plus. a ajouté M. Adekoya. Poète avec ça, oui. Durant l'audience, dont la date n'a pas été précisée par le quotidien, son épouse, a, depuis 25 ans, a rejeté ses accusations et reproche à son mari d'avoir engagé la procédure pour pouvoir se mettre en ménage avec une autre femme. Et voilà. Et voilà, l'anguille sous roche, on l'a. C'est comme le moins bon épisode de Dallas ever. Le président du tribunal, j'ai un autre nom, mais je le dirai pas, s'est finalement décidé à mettre un terme à cette union malheureuse. En concluant, le tribunal a essayé à plusieurs reprises de les réconcilier, mais tous les efforts ont été vains. Même si le Nigeria est coutumier d'affaires de divorce pour des motifs pour le moins inhabituels, c'est la première fois qu'un mari obtient une séparation légale pour des repas servis en retard. En 2008, un retraité nigérien s'était séparé sous la pression de responsables musulmans locaux de 82 de ses 86 femmes dans l'espoir d'éviter une punition prévue par la charia. Ah, il y a vraiment comme fait, OK, toi out, toi out, toi out. Va dans la pile des peut-être. Toi out. C'est donc bien beau, ça. Le site internet nigérien Sugar Daily a compilé une série de demandes toutes tout aussi insolite qui aurait été soumise aux tribunaux ces dernières années, comme cette femme qui, à Lagos, a obtenu le divorce parce qu'elle reprochait à son mari de confondre les casseroles avec les toilettes les jours d'ivresse. Est-ce qu'il faisait la nourriture dans la toilette ou il faisait ses besoins les casseroles? Ça, c'est la question à poser. Ah, ben, voilà. Merci beaucoup. Ben, déjà, plaisir. Tout le monde. Oh, ouais. Ouais, ça commence assez en beauté aujourd'hui. Hein? C'est de la grosse nouvelle. Si, la rue de Darth Vader, l'autre... En tout cas, let's go, Davio. On passe au prochain. Laurent, bonsoir. Ça, c'était la fin du thème invité, normalement? Oui, c'est notre... J'ai remarqué. Hey, ça va, Tommy? Ça va très bien, mon gars. Puis toi? Moi, ça va très bien, étant donné que j'ai vu un film récemment qui a fait renaître en moi ma foi en Dieu. Oh. Combien y a de croyants dans la salle? Ouais! Calisse, deux? Trois? Man! Non, croyant, Dieu, chrétien, Jésus. Le seul Dieu qui est important. Donc, j'ai vu le film Second Glance. Est-ce que tu l'as vu? Non. Second Glance, c'est un film. C'est le film le plus connu pour se terminer par la vidéo. Hey, Scotty! Jesus, man! Jesus, man! Oui, OK, ouais. C'est un film fabuleux. Un drame chrétien qui a été réalisé en 1992 par un certain Rich Cristiano. OK. On imagine que c'est son vrai nom de famille. Oui. Mais ça se peut que non. C'est un peu plate parce que le film est en 4x3, donc visiblement, il a probablement passé directement en vidéo puis il n'est pas passé au cinéma. Ouais, mais c'est une VHS, ça, qui était. Ouais, vendu, 50 minutes de pure éternité. Parce que c'est. Parce que tu la passes avec Dieu. Oui, ben c'est ça. C'est 50 minutes qui a l'air de 2 heures. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté à 50. Donc, j'ai mes notes ici. C'est l'histoire d'un certain Daniel Burgess. C'est un adolescent dans la fleur de l'âge. Et c'est également un chrétien assez fondamentaliste. Ça veut dire que, bon, puisqu'il est un bon croyant, il a fondé la Fraternité des athlètes chrétiens, qui est une espèce de mouvement à son école qui tente de convaincre tous les athlètes de croire en Dieu. De sucer en non, ça va très bien. Et son but dans la vie se résume à convertir, évidemment, tout le monde qui croise. Mais c'est également un adolescent, comme j'ai dit. Donc... Les hormones de travail et la puberté le poussent à avoir des sentiments amoureux. Oui. Pour une certaine Tamara Howard, c'est la babe de l'école. C'est pas une cheerleader, mais c'est tout comme. Elle a un énorme accent texan, le plus gros de la vie. Et elle fréquente Doug Llewellyn, c'est le baveu de l'école, un délinquant, le némesis de Danny, parce qu'il arrête pas de se moquer de sa foi. Ça, c'est pas très gentil, ça. Lui, il va embarquer dans le mouvement de qui suce tantôt, mais au trois quarts. On se ramasse avec un beau melting pot de tous les éléments nécessaires pour un scénario rocambolesque. Donc, Danny est amoureux de Tamara, mais son désir nuit à son implication dans la vie de Scotty. Scotty, c'est un plus jeune que lui qui a récemment découvert la Bible et qui est totalement obsédé, mais qui a de la difficulté à comprendre les écrits de la Bible, donc il veut rencontrer Danny le soir pour qu'il explique. Comprends-tu? Mais là, Danny annule un rendez-vous avec Scotty parce qu'il veut demander à Tamara si elle veut sortir avec lui. Puis évidemment, Tamara le rejette. Puis évidemment, demander à quelqu'un « Veux-tu sortir avec moi? » Ça prend toute une soirée. Ouais, oui, pas, ben oui. Tu pouvais pas faire deux affaires en même temps. C'est ça, non. Donc, il se fait rejeter par Tamara. Puis en parallèle à ça, il y a quiproquo. Parce que lors d'un examen, il ramasse une feuille de papier à terre. Il pense que Tamara a échappé une feuille de papier. Évidemment, c'est une feuille de papier qui contient toutes les réponses à l'examen. Donc, il se fait pogner par son professeur et il se fait suspendre de l'école. Et puis donc, ça, c'est parce qu'il vient d'abandonner Dieu. Là, on vient il n'a pas encore abandonné Dieu. Ben, Non, c'est un bon croyant. Il l'a questionné. Mais là, il a décidé il d'aller checker la Bible à la place d'aller... Pour un doute qui l'a pas vu. Non, je l'ai vu. Je te suis. OK. Ben, j'avais oublié le titre, mais c'est Jesus ça. Man, oui. C'est sûr qu'il est obsédé par Tamara, mais quand même, ben, il est croyant. Il continue un peu à militer, mais peut-être... Effectivement, ton interprétation si est intéressante. Si tu me permets, là, moi, toi, tu j'ai aucun souvenir de mon époque secondaire dans lequel je suis pas bandé. Ah! Tout le temps, t'es, là. T'es en train de dire qu'aujourd'hui, t'as des difficultés érectiles parce que t'as été non, trop non, bandé non, avant? Non, je suis en train de dire que la trentaine m'a permis de voir un petit peu mieux la non, vie, c'est bon. Je pense. Bref, catégorisé. Danny rentre chez lui le soir. Évidemment, il était suspendu. Son père est en beau tabarnak. Puis là, lui, il se plaint à son père qu'il peut pas aller au party qui est organisé demain parce qu'il est trop un bon gars. Puis c'est pas que son père l'empêche d'aller au party. C'est non, lui non. qui se met cette restriction là. Ouais. Il peut pas non plus sortir avec Tamara parce qu'elle dit qu'il est trop un bon gars. Donc, il en a marre d'être trop un bon gars. Et avant de s'endormir, il souhaite, à 15 minutes 30 du film, ne jamais avoir été chrétien. Oh! C'est donc avec stupéfaction qu'on découvre un Danny se réveiller le lendemain matin en bombe avec une casquette puis un t-shirt délavé. Ça, c'est pas correct. Moi, là, moi, ça me dépasse. Pas la Civic, j'espère. Ben, pardon? Pas la Civic, en plus. Il y a un char sport rouge. Ah, okay. Je sais pas si c'est une Civic, le film est quand même assez flou, c'est dur à dire, mais ça se pourrait. Donc, s'ensuit une journée dans la peau d'un Danny non-croyant. Donc, Danny apprend alors qu'il est très bon ami avec Doug, qui est le bum de l'école. Il sort avec Tamara, il sort avec Mélanie, qui est un personnage qui a seulement été présenté jusqu'à présent, mais on l'a pas encore vu. Okay. C'est la blonde de Ball, genre le bully de l'école, c'est pour ça qu'il s'appelle Ball. C'est quand même très intelligent. Mais elle sort avec Bull, mais elle sort aussi avec Danny. Danny possède un char rouge, comme je disais. Sa sœur a jamais été née. Ses parents sont divorcés depuis un méchant bout. La fraternité des athlètes chrétiens n'existe pas. Et Ricky, son bon ami, qui est essentiellement un faire-valoir, qui sert un peu à rien, c'est pour c'est ça que je l'ai pas présenté. Il est homosexuel. Ben, il s'est fait péter la gueule parce qu'il a osé parler à Mélanie, puis Bull, il a pété la gueule. Fait que là, malgré que tout va mal dans sa vie, lui, il est tellement heureux parce que les gens ne le considèrent plus seulement comme un bon gars. Ouais. Il a pas compris les subtilités. Ben même, tout va mal, ça a l'air d'être pas pire. Ouais, non, ça a l'air d'être pas pire. Donc, Danny, il est heureux, je sais. Juste un qui est affecté. Si ses parents sont ensemble juste parce qu'ils aiment Jésus... Non, faut, t'as pas compris. C'est les prières de Danny qui ont aidé les parents à traverser les difficultés qu'il y avait. Ah, change pas de main, je vais venir. Franchement. Bon, donc Danny se rend au party avec Tamara. Mélanie débarque. Dan et Tamara apprennent que Mélanie est enceinte de Danny. Mais non, Mélanie est pas enceinte de Danny. Elle a juste dit ça pour faire chier Tamara. Danny tente de convaincre Tamara que c'est pas vrai. Tamara lui dit que c'est un esti d'égoïste. Puis finalement, Danny ressent le profond besoin de parler à Scotty. Mais Scotty est mort. Il s'est suicidé il y a 3 mois. Là, tu sais, je veux dire, quand Ricky est à l'hôpital, son meilleur ami, ses parents sont divorcés, sa sœur a jamais existé. C'est triste, mais ça va bien quand même. Mais Scotty est mort? Fuck! Fait que non. Là, lui, il bad trip solide. Évidemment, Bull débarque au party. Il veut péter la gueule à Danny. Danny se sauve vers une église. Courageux, et les portes de l'église sont barrées. Et au moment où il va recevoir la raclée de sa vie, tout redevient comme avant. Magie. Ce n'était qu'un rêve! Donc, évidemment, bon, ben, pour expliquer la deuxième portion du film, ça prenait une hallucination. Tout au long de cette portion-là, Danny hallucine Muriel, qui est un ange. Un ange traditionnellement toujours dépeint comme une femme. Mais là, on se ramasse avec un vieux dude avec une dentition de cheval. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs... Interprété par Julien Poulin, d'ailleurs. Hein? What? Je sais pas. Ça y ressemble, mais il est un peu plus mince quand même. Okay. Mais ce qui est intéressant, bon, on se dit peut-être qu'il voulait pas sexualiser le personnage, etc. Ça me fait penser à un détail que j'ai oublié de mettre dans mes notes, mais le seul baiser de tout le film, ça se passe à l'école, puis il y a un dude qui ouvre la porte de casier juste avant, un dude random, là, mais qui est à l'avant-plan. Il ouvre la porte de casier, fait qu'on voit pas les, on voit pas le baiser. Ok, ouais, ouais. Parce qu'il pouvait pas montrer ça. Ben, c'est dégueulasse. Je me demande même si les acteurs ont réellement effrôlé leur bouche. Des parties génitales. Donc, ce que Danny retient de l'expérience, Muriel name drop le nom du film à 41 minutes 40 secondes. Évidemment, il invite Danny à jeter un deuxième regard, un deuxième coup d'œil à tout ce qui vient de se passer. Ah, donc, contrairement à ce qu'il croit, parce que Danny est comme « j'influence personne avec Dieu, j'influence personne avec Dieu, ça sert à rien d'être croyant », ben, il a réussi justement, ses parents ont réussi à surmonter leurs difficultés grâce à ses prières. Bull est moins violent grâce à ses paroles, donc Ricky s'est pas fait péter la gueule simplement pour avoir parlé à Mélanie. La fraternité des athlètes chrétiens existe à son école grâce à lui. Scotty s'est jamais suicidé car il a découvert Dieu. Et Doug, même Doug, le bum de l'école qui se moque de la foi de Danny, ben Doug, il lit sa Bible tous les soirs. So, on apprend ça et il est sur le point de se convertir. C'est comme lui le grand perdant de l'histoire parce qu'il est passé de gars qui sortait avec la chicks du cégep. Puis finalement, non, tout redevient comme avant. Fait qu'il est encore avec la Bible. Il est encore, c'est juste qu'il lit la Bible à la place. Ouais, en tout cas, il y a un bout où je vais vous parler d'intimidation tantôt, mais avant, je vais vous parler que il y a quand même un point intéressant. Muriel dit que Dieu comprend son désir sexuel envers Tamara, mais que c'est beaucoup mieux d'attendre le mariage parce que n'aimerais-tu pas mieux que ta femme n'ait jamais été touchée par personne? Qu'elle fasse ce qu'elle veut, si, voyons. Non, Tommy, tu comprends pas. Regarde, comprends Dieu. Dieu tente pas de restreindre ton plaisir, mais de le maximiser. Parce qu'évidemment, baiser une vierge, c'est tellement mieux. Mais c'est quand même moins pire qu'une autre réplique délicieuse du film. Le fameux personnage de Doug. Puis là, ça se passe en plein milieu d'une conversation. C'est pas une réplique importante, mais on l'entend clairement. Il dit « Niggers can't be choosers, man ». Ouais. Mais ben c'est pas mis. Ils mettent pas l'emphase là-dessus, mais on comprend quand même très bien. Ouais, c'est une vérité qui est assumée depuis le début. Ouais, c'est vraiment. C'est l'alpha et l'oméga. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Aussi. Ben, Chris, j'ai beaucoup de difficultés avec beaucoup d'affaires. Je te parle d'un film de 50 minutes, OK? Ça prend 47 minutes et 40 secondes avant d'entendre Jesus Man, le deuxième, dernier. Ouais. Ben, pendant ces 47 minutes et 40 secondes-là, on entend le prénom de Daniel, Danny ou Mr. Burgess. Une fois chaque 36,666 secondes. Ça, j'aime. Oui! Ça, c'est... OK, on se dit peut-être une fois aux 30 secondes s'il y a de la conversation tout le long. Non, il y a des bouts avec la musique. Là. Ça veut dire que c'est danse en Danny, pas à peu près. Au deuxième rang, on retrouve évidemment le prénom Tamara, qui est répété 32 fois. Mr. Milner, qui est son prof. T'as vraiment... 16 fois. Oui, oui. J'ai fait un mix avec juste les prénoms. Ah, je l'ai pas inclus dans ma vidéo ce soir, mais peut-être qu'il y a moyen de patenter quelque chose. Ouais, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai le film de 50 minutes résumé en 10 minutes. C'est un peu plus dense, mais on comprend mieux l'histoire. Ah, je pense que ça existe sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine. Ça, j'ai pas vu, moi, de résumé. J'ai juste vu. On va s'arranger. Sinon, si vous le voulez, écrivez-moi. Fini, s'il te plaît. Danny, à la toute fin, devient un intimidateur. Puis ça me bouleverse assez. Puis c'est pas juste mon interprétation, là. Danny, à la toute fin, demande à Doug, « Ah, comment viens voir le film de religion ce soir? Ça va vraiment te faire réfléchir. » Puis là, il dit, « Ah non, j'ai pas le temps pour ton film. » Il pogne par le collet, il dit, « Make the time! » Puis là, la musique devient hyper lugubre. Moi, je trouve que ça fait intimidation ses bars. Donc, essentiellement, Danny, ce qu'il a retenu, c'est que son implication, tenter d'influencer les gens vers Dieu, c'est très bien. Il faut même qu'il en fasse davantage jusqu'à intimider. Il utilise tout ce qu'il y a pour lui. Ouais, mais quand tu intimides au nom de Dieu, ça va. Hein? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est une exception. Sacrément. Je pense que j'ai fait le tour pas mal. Je sais pas quelle note donner à ça. C'est, comment ça marche, toi? C'est 10, c'est wow, bon. Moins 10, c'est wow, mauvais. 0, ouais, c'est juste plat. Mais l'important, c'est d'être diverti. T'as le 0 en haut. Et ouais, ensuite, il y a un cercle. Le moins 10 et le 10 se rejoignent. Et à partir de là, toutes les expériences qu'on vit s'éloignent de la neutralité parce qu'on est stimulé d'une manière ou d'une autre. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas stimulé de la manière que ceux qui ont fait le film voulaient. Ah, donc, non, c'est on clair. S'en va dans le négatif. Ouais. On n'est pas comme impressionné par leur pas... choix d'acteur ou leur scénario. Moi je le mettrais à moins 3. Ah ouais, parce qu'il y a des, peut-être moins 4, mais il y a des longueurs. Ouais. Je veux dire, le condensé de 10 minutes que j'ai fait, moi, je l'adore parce que t'as toute la viande ouais, dedans. Ça, ça fait du bien. Mais c'est ça, 50 minutes, comme je te dis, ça a vraiment l'air d'être 2 heures. Je donnerais moins 3. Et si tu me permets, l'acteur principal de ça oui! est réellement un brainwashed Jesus Christ. Ben, j'ai l'impression que pas mal tout le monde, sauf que c'est pas tous acteurs même de profession. Doug, là, mais lui je veux dire, il a, encore l'an dernier, il a joué dans un film chrétien. Il a fait plein de films chrétiens. Le dude. Puis il y a une chaîne YouTube, il répond à des questions sur Facebook. Puis tu sais, je me suis dit, ah, si, il va avoir du bon stock là-dedans, je vais aller chercher des morts. Non, le gars, il est correct. Le gars est vraiment correct, il répond aux questions, puis il y a de la l'allure, c'est pas... C'est comme quoi, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. Non. Light. Très bien dit, très bien malade. Dit. T'as fini là-dessus, Laurent? Moi, je pense que je finis là-dessus. Merci, Laurent! Quand ça rime, là. Laurent Lassalle, tout le monde. On va le revoir tantôt comme VJ de toute beauté. Toi, est-ce que t'as l'impression que... on a parlé de paranormal tantôt, les fantômes, les dieux, ces entités-là, crois-tu à ça? Est-ce que je crois... Ben, écoute, dans le domaine du paranormal, il y a deux lignes de pensée, OK? Il y a les croyants et les non-croyants, tu vas me dire. Mais ça, je te dirais, c'est dans la vie, oui, c'est ça, dans la vie en général. Mais il y a une chose, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, je pense. Il y a une grande différence entre les faits et l'interprétation des faits, OK? Et donc, il y a des faits vérifiables et vérifiés qui sont des phénomènes inexpliqués. Moi, j'appelle ça des phénomènes inexpliqués. Ouais, voilà. Donc, je sais pas, moi, dans une maison X, un couple a vécu des expériences où les meubles se déplaçaient, où ils entendaient des coups dans les murs. Alors ça, ce sont les faits. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus et effectivement, il n'y a pas d'explication rationnelle pourquoi les meubles se déplacent. On le sait pas. Maintenant, la croyance, c'est là que la croyance, que les gens font l'erreur, c'est que là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est des fantômes. » Ben ouais, c'est ça. C'est grand-papa qui vient refaire le salon comme il était grand-papa, avant sa mort. C'est ma tante Georgette. Il aime pas ça qu'on ait mis le gros couch en face de la... Ouais, ouais. Voilà, donc elle est là la différence. Alors, il faut faire une distinction entre les faits et les croyances. C'est sûr. Voilà. Comme la table à TVA, elle parlait à personne, là. Ah, Roger, ce cher Roger, hein? Ah, tu connais le mentaliste personnellement? Oh, mais écoute, c'est une insulte de le nommer de mentaliste. Ouais, je m'excuse. Ouais, moi, je dirais plutôt c'est un mauvais charpentier. Ouais, lui serait plus comme thief ou barbe. Parce que sa plus. Table, tu sais, t'as chambre en lente, ouais. Ah ouais. Oh, oui, bien vu. Bon, ben, excellent. On est pas mal séculaire, je te dirais, en majorité aussi à douteux, là. L'important, c'est de pouvoir questionner les idées et les concepts, là. Quelqu'un qui t'arrive avec quelque chose qui prétend être une vérité, moi, ça me donne tout le temps envie de poser. Ben, il n'y a pas de vérité, même en science, il n'y a pas de vérité. À date, il y a quelque chose qui marche. Puis si à un moment donné, 2 plus 2, ça donne 4 et quart, ben, tu sais, il faudra vivre avec. Genre. Ben, il n'y a pas si longtemps, la foudre en boule, les scientifiques, ils croyaient pas. Puis aujourd'hui, on sait que ça existe. Ouais, c'est un phénomène. C'est un phénomène naturel. Donc, tout peut être remis en question. Et voilà. Bien dit, bien dit. Là-dessus, Nick, on peut passer au prochain chroniquisateur. Merci pour cet accueil chaleureux. On est très contents de t'avoir avec nous. Florence Payette, mesdames, messieurs. Oui. Allô. Donc, ma critique de ce soir se porte sur les quatre fantastiques en français. Parce que, tu sais, pourquoi aller voir les quatre fantastiques en anglais quand tu peux le souffrir avec la traduction? Excuse-moi. Donc, voici un court résumé de l'affaire. Si vous voulez aller le voir... Just too bad. Un jeune garçon bourré d'autant de personnalité qu'un 2x4, puis son ami pas super vite, sont recrutés par l'université de sciences la plus prestigieuse de tout le New York scientifique Ils ont découvert la physique quantique, le vaccin contre le cancer, le fromage qui fait squick-squick, you name it. Pour construire une bébelle qui va faire en sorte de voyager dans des dimensions bizarres vers un monde louche plein de glu verte, ils devront faire un effort avec trois autres personnes pour résoudre le petit puzzle qu'on leur donne. Donc, ils sont avec le douchebag, le cynique, puis la fille. On les voit en plus. Là, c'est... oui. Et s'en suivra beaucoup de péripéties, de moments en plate et de perruques LED, ainsi que de découvertes surprenantes sur le pouvoir de l'amitié forcée. Donc, voici ce que ce film-là m'a appris, en gros. Tu peux faire une machine à voyager dans les dimensions avec des Nintendo 64. L'important, c'est les petites plaquettes vertes, là. Faut que t'es places comme il faut, là. Faut que tu souffles dedans ben, ben exactement. Fort. Ouais. Puis on part. Les recruteurs des labos scientifiques les plus poussés de la galaxie vont dans des foires aux sciences des écoles primaires. Quand t'as... Ben oui, tout à fait. Les jeunes talents, faut les recruter maintenant. Quand t'as 18 ans, faut que t'aies l'air d'en avoir 30, puis il faut que tu présentes tes affaires dans des foires aux sciences du primaire. Ça a l'air croche, ça. Quand la moyenne d'âge de ton gymnase, c'est à peu près 11 ans et demi, puis que t'es le seul à avoir 18 ans, pose-toi des questions. Ouais. Parce que tu es un zini! Genius! Pour diriger un projet important sur les différentes dimensions, c'est écrit dans la description de tâche qu'il faut que tu sois un jukebox à phrases creuses. Exemple de phrase creuse, il faut faire ce qui doit être fait. You veiller Fred, les... hein? Ouais. Tout à fait. La vie, c'est quand t'es pas mort. Tout à fait. Veiller les uns sur les autres comme j'ai veillé sur vous. Il a dit ça? C'est Jesus style en il est creep, ton gars. Mais, continue. C'est le recruteur, tu sais. Le cynique de la gamme se nomme Von Doom. Tout comme Daniel Green était prédestiné à se présenter pour le Parti vert aux dernières élections. Bon, maintenant. Tu peux être comme pas mal certain qu'un moment donné, Von Doom, ça va être le méchant de ton affaire, là. On dirait le même film que tantôt. C'est quasiment le même film. Très polarisé, hein? Ouais, ouais. Puis, by the way, Von Doom en français, c'est... Von Fatalis. Crime, oui. Ah, c'est... C'est ça. Ouais. Attends, mais... Oui? Ouais. Oui, oui. C'est Von Fatalis avec ouais. 3 S à la fin. Non. Oh, ouais. Et ça, si tu me permets, ça nous rappelle à quel point c'est important de traduire tous les noms propres. Ah oui, tout à fait. Tous les noms propres. C'est Roudoudou. C'est Roudoudou. Ce n'est pas Jigglypuff. Et vive les Pokémon Fairy. C'est vrai. C'est une affaire de Pokémon. Merci, merci. Okay. Croiser une fille qui a été adoptée en disant que t'aurais aimé être adoptée, ça va la faire rire. Oui, c'est dans le film. Ouais. C'est la face que j'ai faite, d'ailleurs. Mes parents, ils étaient vraiment cons. T'es chanceuse. J'aurais aimé ça être adoptée. Dans une autre dimension, apporte un drapeau américain. D'un coup, que dans cette dimension-là, il y a besoin d'un peu plus de liberté. Hashtag America fuck ça, yeah. Ça va dépendre s'ils ont du pétrole, je pense. Ou pas. La subvention. C'est la subvention. C'est la subvention, c'est ça. Ah, ils ont de la glu verte, par exemple. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont de la glu verte. Ça brûle-tu, ça? On ne sait pas ce qu'elle fait, juste verte. Il y a de quoi faire. Si tu es assez raisin pour toucher, il y a de la boîte fluo verte, justement. Venu d'un autre monde louche, je pense que tu mérites ce qui va t'arriver. Les scientifiques parlent le science. Un petit cours, comment parler le science ici? Les quatre fantastiques nous indiquent qu'il faut plugger spectre visuel, neuropathique et biosynergie, puis parler de plaques tectoniques ou de schémas logiques quand ça a fuck all de rapport. Tu peux mélanger les termes ensemble aussi. Ouais, ouais, les sciences se parlent. Là. On parle de géologie, fait, on parle de biologie et de physique quantique. Là, on parle de sciences scientifiques. Exactement. Là, ça prend des bons scientistes pour être capable de comprendre ça. Tout à fait. Les scientologues aussi. Les plus brillants de toute la galaxie. Exactement. Ouais, c'est les meilleurs, ceux-là. Vivre sur une planète faite yang de roches, ça donne la possibilité de te tisser une cape en tissu de roches. Juge pas. En amiante, whatever, whatever. Je me pose encore des questions sur comment il a fait, mais il y a eu un an pour se tisser une cape en roche. Moi aussi, je me ferais une cape si j'avais rien à foutre. Ils vont revenir, je vais être beau. Tu vas pouvoir avoir l'air d'un méchant qui a de la prestance. Exactement, ben oui. Si un dude avec un air de méchant te dit qu'il veut retourner là d'où il vient, faut que tu l'en empêches parce que c'est écrit dans le scénario. Ouais. Tu te dis pas, ça fait un an qu'il est tout seul dans un monde de glu verte, puis peut-être qu'il virait fou, je devrais le ramener voir sa mère, tu sais. Exactement. Sa mère va faire non. Ne retourne pas d'où tu viens, ouais. Je veux te garder ici. Je justifie sa méchanceté. Exactement. Origin story. Hey, ça a super pas rapport avec la vraie origin story des Fantastic Four. Donc, OK, on est conscient tout le monde. Les Fantastic Four, ouais. C'est les quatre fantastiques, pas la même affaire. Ouais, okay, je comprends. Les moins quatre fantastiques, on disait. Ouais, ça. Pas mal ça. Continue. T'es plus puissante avec une perruque LED. That's it. Pour être le pire méchant de l'univers, en gros, faut que tu menaces la Terre avec une shreddeuse qui lui, puis qui est bleue. Une shreddeuse, genre une affaire qu'on met dedans, puis ça broie, là, comme à la fin de Fargo. Hein. C'est juste une très grosse shreddeuse, puis elle est bleue. Dans Donjons et Dragons, c'est le Juggernaut qui était comme ça. Dans la deuxième édition, là, moi je suis vieux comme ça. Là, ouais. Il est pas bleu, il est pas. Non, je veux pas dire que c'est pas de la marde de quoi tu nous parles. Continue. Pour gagner contre un méchant pas fin, il faut gagner. Et là, je vous pose la question. A, grâce au pouvoir de l'amitié. B, à l'union qui fait la force. C, à l'acceptation de soi. D, à la science. Et E, à toutes ses réponses. Toutes ses réponses. Non, F sur un pic. F sur un pic. Ben, c'est quand même E, toutes ses réponses, incluant le F sur un pic. Ah ouais, il tombe sur un pic? Quelle surprise! Ben, il se fait pour mal. Ben oui. C'est ça qui arrive aussi avec le pic, c'est que souvent, c'est que c'est la gravité qui tue le méchant, c'est pas les héros. Fait que les héros peuvent rester purs, c'est à cause de la gravité, puis Chris, t'es tombé, tu marchais vers en arrière pour mieux me tirer des jambes, puis t'es tombé sur le pic. Rien à voir, moi! Ben non, c'est la gravité! Et deux phrases pour vous. En fait, une qui vient de la toute fin et qui dit « Nous sommes une équipe et nous sommes fantastiques. » Ça arrêtait pas pire qu'ils disent « Nous sommes une équipe de quatre et nous sommes fantastiques. » C'est un peu ce qui est sous-entendu. Ouais, je te suis. Et la meilleure phrase étant « Victor, ne fais pas ça, nous pouvons t'aider. » Et Victor de se retourner et de dire « Il ne reste plus de Victor, il ne reste que Fatalis. » Ben, il est conséquent avec son nom. Là. Il est très conscient de son nom. Fait qu'on est encore à moins 4. Compte tenu que je suis pas sûr encore si la traduction française a rendu le film meilleur ou pire, je dirais moins 3.5. Bon, on arrondit. Ça me va. On reste au moins 4 fantastiques. Ça se dit mieux que les moins 3.5 fantastiques. Mais anyway, ouais, il était même pas noir dans l'Origin Story. Pourquoi qu'il... Ben, juste pour te dire, il y a la chose, là, l'homme fait de roche, qui est tout nu dans le film. Fait que s'il y a un second puis qui est habillé, ça veut juste dire qu'il était tout nu dans le premier. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Florence Payette, mesdames, messieurs. Ah, on va en avoir appris à soir. Ça donne le goût d'aller au cinéma. Ça donne le goût d'aller écouter autre chose. Je pense qu'on est rendu à la moitié de l'émission. Ça va super vite. D'habitude, à ce moment-là, on prend une petite pause musicale. On laisse le stage à Chinook, notre danseur radiophonique, ainsi qu'à Davio, notre technicien qui est à la console. On revient dans 7-8 minutes maximum pour les deux derniers chroniqueurs et la fin de l'émission. Merci beaucoup à Stéphane Thérien, mesdames, messieurs. Ah oui. Fait que là-dessus, on prend une petite pause, on va aller faire le plein 70% à date. Ben ça va bien, c'est étonnant, je dirais, mais... C'est le fun, c'est le fun. Ben ouais, une salle pleine un lundi, tu pensais pas qu'on était aussi puissant. Hein? Je pensais pas que vous étiez aussi populaire et powerful comme ça, c'est bon. C'est ça. Excellent. Ça, c'est un message d'amour parce qu'on est là, on veut te convaincre d'arrêter de souiller les gens. Est-ce que tu utilises ton pouvoir pour les forces du bien ou du mal? Du bien, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. OK. Cool, OK. Est-ce que ça veut dire que tu peux comme aller dans un bureau de vote puis convaincre les gens de voter pour quelqu'un ou... Si j'étais capable de faire ça, penses-tu vraiment que Stephen Harper serait au pouvoir? Oui! Oui! OK, c'est un fond de bien, ça. On lâche pas, on lâche pas. Sinon, c'est quoi ta spécialité au sein du mentalisme comme ça? Est-ce que t'as un truc que t'aimes plus faire? Est-ce que t'en as déjà de préparé? Es-tu venu hier soir à mettre des pyrotechnies dans les coins ou... Non, mais en fait, pour répondre sans répondre à ta question, ce que je fais principalement, c'est que je fais des spectacles de scène. Okay, donc, parce que c'est sûr que tu dis, un mentaliste, il fait quoi? Il vole des banques, il fait des dépenses. Non, c'est pas ça. Non, je fais des spectacles. Donc, je me promène un petit peu partout au Québec et au Canada. Je fais beaucoup de corporatifs, par exemple, les tournois de golf, les parties de Noël, tout ça. Puis je fais des shows publics une fois de temps en temps aussi, à gauche et à droite. Puis ça doit aider beaucoup avec les filles. C'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse, d'ailleurs. Ah, voilà. Oui. Elle a dit oui, mais c'est consentement, genre, ou... Oui. Non. OK. Écoute, ça je le dis même pendant le spectacle, quelqu'un qui veut pas, ça marche pas. OK, je peux pas lire dans la pensée de quelqu'un que ça y tente pas. Faut que ça prend le consentement de la personne. OK. Ouais. Et puis là après ça, c'est quoi, tu lui poses des questions, puis tu dis écris-moi ton âge, puis tes affaires de même, puis ben ça c'est quand tu es plus jeune, puis tu vas être sûr de pas avoir de problème avec la police, ouais. OK, c'est bon. T'es rusé, toi, j'aime ça. Level 64, j'y crois de mieux en mieux. T'aurais dû te double classer à partir de level 40, tu gagnes rien. C'est vrai. Même plus de nouveaux spells par jour. Fait que, en tout cas, il y a le prestige, même. Je veux dire. Ouais, peut-être. Mais parce que pouvoir se battre avec d'autres choses qu'un bâton puis une dague, ça peut devenir pratique rapidement. Une bastard sword ou... Hein? Oui. Oui. Je sais pas. J'ai aucune idée de quoi il parle. Fait que, je dis c'est oui. Correct. Les autres non plus. Tu poseras des questions au monde. D'accord. Cool dans ton entourage. Tu vois, ça va bien aller. Sinon, ben, on est encore à 70%. Merci beaucoup à Stéphane Terrien d'être avec nous. Ce qui nous amène au deuxième bloc de chroniqueurs. Mon cher ami Davio, quand tu veux. Je l'aime, moi, la toune. Moi aussi, je l'aime. Travis Jason Stephen Lane, 25 ans, est mort à l'hôpital après avoir été frappé par une camionnette dans la ville de Milton, en Nouvelle-Zélande. Monsieur Lane était à une fête à sa maison le 22 février 2014 avant l'incident fatal. Son ami Corey Tuliepa a déclaré que le groupe d'amis buvait à l'extérieur lorsque Monsieur Lane a commencé à courir vers la route. Il était espiègle et faisait des yeux bruns ou fesses-lunets. OK, fesses-lunets, OK, je comprends, ouais. Les véhicules qui passaient. À date, on a du fun en Grèce. Monsieur Taylorpa a entendu un bang lorsque Monsieur Lane a été frappé par une camionnette résultant en des lésions cérébrales graves et une fracture du bras. Le conducteur de la camionnette conduisait sous la limite de vitesse et de la... la police a décrit l'éclairage comme étant sombre. D'autres amis, Michael Cotton et Samantha Powick, ont dit à la police que M. Lane a commencé à traverser la route avec son pantalon autour de ses chevilles lorsque le camion l'a frappé. Jamais une bonne idée. Il se tenait dans la voie et a commencé à faire les yeux bruns. Pantalon autour de ses chevilles, aux voitures qui allaient en direction du nord. Alors qu'il faisait cela, nous rions de lui. A déclaré M. Cotton. M. Lane a été transporté à l'hôpital dans un état comateux, mais n'a jamais repris conscience et son état plus tard a changé en végétatif. Il est mort le 28 mars 2014. On ne sait récemment, parce que le coroner a sorti récemment le procès, la raison. L'alcool et la drogue auraient probablement été en cause dans cet événement. Yes, ouais, en tout cas. Je dis yes parce que d'habitude c'est drôle quand on entend ça, mais là c'est plus juste d'imaginer le gars qui traverse la rue avec ses pantalons autour de ses chevilles, puis que le camion puis ses amis qui rient, puis là plus personne n'est heureux 3 secondes après. Là. Let's go, next! La vie est si fragile. Oui. Faites attention à votre œil brun. Trois personnes ont quitté un Walmart supercentre de Peoria avec de la marchandise volée, mais sans un petit enfant qui aurait chuté alors qu'elle fuyait la boutique. La police a confirmé jeudi qu'un petit enfant semblait indemne après une évaluation dans le stationnement du magasin. Amy Ruston, officier de police de l'information publique à Peoria, a déclaré, a déclaré que les policiers ont été appelés... des femmes ont été observées quittant le magasin avec de la marchandise qui n'a pas été payée. Lorsqu'elles ont été approchées par un employé de prévention des pertes, elles ont commencé à courir, laissant l'enfant derrière eux. Les trois suspects ont continué à courir vers leur véhicule. La police a également dit que des enfants supplémentaires avaient été laissés sans surveillance dans ce véhicule lors de l'incident. Laisse-les là, on en fera d'autres. On en fera d'autres. Pas le temps. Deux suspects ont été arrêtés à la suite de l'incident pour des soupçons de vol de détails et de mettre en danger la vie d'un enfant pour les mêmes charges, en plus d'une entrave à la justice et un mandat indépendant. Le troisième suspect court toujours, donc... Ben oui. Avec les pantalons aux chevilles. Ouais. Non, ça, c'est l'autre. Ah, c'était l'autre, excusez. Lui, il est mort, il est tombé végétatif, un petit cas. Il ouais. s'appelle Von Fatalis maintenant. Bon! Ah, tu dois être le fun, l'un des statues, toi, en tout cas. Ah, c'est bon, j'aime ça. On amalgame. C'est une excellente blague. Let's go, man. La police du comté de Livingston, dans l'État de New York, a appréhendé trois suspects de cambriolage le 10 mai dernier en suivant un sentier de salade de macaroni qu'ils laissaient derrière eux tout en faisant leur escapade. Dans un communiqué publié par le bureau du shérif du comté de Livingston, les voleurs sont entrés par effraction et ont volé une caisse enregistreuse du restaurant Build a Burger, le système de surveillance de l'établissement aussi, ainsi qu'un grand bol de salade de macaroni. Ils se sont fait avoir par le grand bol de salade de macaroni. Faites attention à ça. Les officiers étaient sur la piste des criminels, littéralement, alors qu'ils tentaient de s'échapper sur le sentier pédestre à proximité. Nous avons trouvé le long du sentier... des morceaux de la caisse et du système de surveillance, des gants en caoutchouc, des pièces de monnaie et un parcours régulier de salade de macaroni, a déclaré le bureau du shérif. Nous avons découvert plus tard que les suspects avaient volé un grand bol de salade de macaroni et en mangeaient tôt, à tour de rôle pendant leur fuite. Déjà, moi, c'est l'image de ça comme... Tu veux dire qu'il n'y avait pas de fourchette, toi, tu penses? Clairement pas. Ouais. Les policiers ont donc arrêté Matthew Sapetko, 34 ans, James Marulo, 35 ans, et Timothy S. Walker Jr., 23 ans, au début de l'après-midi. Les trois ont été inculpés de cambriolage au troisième degré, de méfaits criminels au troisième degré, et de grand larcin au quatrième degré, ainsi que de stupidité au cinquième degré. Ouais, ouais, c'était assez cruel, ça, là. Elle devait être bonne. Ben, j'espère. Ouais. Let's go. Finis ça. Là. La bonne nouvelle, 70%. Yeah! Un chroniqueur d'un podcast relativement populaire a reçu jeudi passé, lors d'un spectacle de combat de karaoké à Montréal, un cadeau. Un coup de poing donné lors de la campagne de sensibilisation dénonçant les agressions sexuelles. Ce présent a été donné lors de la remise de prix du combat qui avait été remporté par l'équipe du chroniqueur. La campagne qui se nomme « Agresse l'agression » a débuté par un combat entre un organisateur et un homme et s'est poursuivi par la remise du cadeau surprise au chroniqueur abasourdi ainsi qu'une adresse à la nation dénonçant les agressions sexuelles. Cette nouvelle forme de campagne de sensibilisation, qui en est à ses balbutiements, connaît malheureusement quelques ratés et n'a probablement pas eu l'effet escompté par ses protagonistes. Plus sérieusement, au Québec, 5293 infractions sexuelles ont été enregistrées par les corps policiers en 2009, ce qui n'inclut pas, évidemment, la totalité des agressions sexuelles. Le message de ça, c'est essayez de ne pas agresser pour dénoncer l'agression, s'il vous plaît. La spirale de la violence. La spirale de la violence. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Andy. Ça nous amène au bout. C'est bon. Oh, c'est fini. Ah ouais, c'est bon. Eh ben, je pense, Davio, tu peux passer au prochain chroniqueur. Beaucoup de monde ce soir. Allô? Oh, tu m'entends-tu? Ok, tu m'entends. On a beaucoup de monde ce soir, c'est le fun. Allô? Qui parle? Salut, salut. Salut. Je suis enchanté, moi c'est Mathieu. Salut, moi c'est Stéphane. Salut Stéphane. C'est cool. L'imam des valeurs québécoises. Lui, sait... dame. J'ai les valeurs à la bonne place. Non, moi je tripe ben raide de magie, illusion, mentalisme, clown. Non, mais j'ai fait disparaître beaucoup de gens moi aussi. Puis. Mais c'est... je veux pas dire ça comme ça. C'est pas ça que ça veut dire. Mais j'ai un projet de domination mondiale. Je sais pas si ça t'intéresse. Cause toujours? Ben non, ben je me dis que tes pouvoirs nous seraient utiles, mettons, tu sais. C'est ça, ouais. C'est tout à fait... Peut-être un peu impoli d'en parler. Ouais, c'est peut-être un peu impoli d'en parler comme ça. Je vais juste jaser un peu avec le monde, puis on va sortir parler de ça si ça tente. Il essaie de te corrompre, de t'amener du mauvais côté, là. Non, mais c'est Mathieu. Ça. Ben, j'ai pas mal de bitcoin, là. Pis, ouais. C'est l'avenir. Oui, tu peux acheter des guns avec bitcoin, mais tu sais. Qu'est-ce que je ferais avec des guns? C'est très lourd, les guns, en fait. Check-moi les bras. J'ai pas grand-chose à soir. Le scientifique... Applaudis ta souffrance. Elle nous ressemble. Quoi dire? Le scientifique qui travaille sur la migration des oies canadiennes. Ce dissident... qui a osé écrire une toune sur le gouvernement. Selon son syndicat, Tony Turner serait sous enquête administrative parce que Environnement Canada soutient qu'il a enfreint le code d'éthique et de valeur de son département. Car le fait d'avoir écrit et joué la chanson l'empêche de faire son travail sur les oiseaux migrateurs de façon impartiale. Je pourrais aller me rasseoir. Clairement. Ça se passe présentement là. Ça c'est la grosse nouvelle ouais toi, la ça grosse, t'a frappé cette semaine. Ça c'est Radio-Canadien. Ouais. C'est gouvernemental, fédéral. Oui, moi ça m'affecte ça va me chercher dans mon code d'éthique et de valeur en fait. Mais les bonnes âmes qui dirigent la machine gouvernementale, ils le savent très, très bien. Avant, les pauvres, ils savaient rien. C'est vrai. Ils savaient rien parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, les pauvres, ils ont des écoles. Et ils savent certaines choses. Hein. Et ça, quand tu essaies de te monter un gouvernement fasciste, là, c'est pas facile à gérer. Ça donc, devient un problème. Voilà. Donc, il faut que tu commences par détruire les écoles. Et ça va très bien. Hein. Oui. Donc là, on est rendu à museler le domaine scientifique. En fait, ça, c'est... Ça me semble quand même plausible et vrai que ce que disent les scientifiques fait du sens. Hein? Ils disent, nous, on est muselés. Oui. Ils disent ça. Ben même, c'est un fait. Depuis 2012, il faut que toute publication... Ah, peut-être que tu voulais en parler. Non, non, ben non? Vas-y, dis-le. OK, mais depuis 2012, il faut que toute publication scientifique passe par le bureau de Stephen Harper avant d'être publiée. Et lui, il a le droit de mettre les affidavits qu'il veut ou il y a une équipe qui s'en occupe. Oh, ouais, on vit une censure assez subtile et dégueulasse ici. Ouais, ils sont rendus tellement freak dans ce contrôle de l'information-là que même si tout le monde sur la fucking planète et ailleurs dans l'univers connu s'en calisse, on ne saura jamais si la migration des oiseaux va bien. Ça me dérange, j'avoue. C'est mais vrai. C'est vrai. Vas-tu bien ou on va pas? On le sait pas. On le sait pas. Fait que là, il y a... Il y a un organe gouvernemental qui passe des efforts à essayer de voir si le gars qui a écrit une toune qui dit « Moi, je suis muselé », il est en train d'aller au-delà de son droit de s'exprimer. Genre. Il ne peut pas être impartial, Tommy. Ouais, parce qu'il aime pas ça être muselé puis il devrait pas pouvoir en parler. Voilà. Ouais. Fait qu'en plus, là, il les gardera encore plus pour lui, les résultats de ses études sur les oies sauvages canadiennes. Hein? Tu t'intéresses aux oies sauvages canadiennes? Ah! Fais-la seule ton étude. Voilà. Ah, c'est pas facile. Ça, dans un gouvernement démocratique, là, ce serait inacceptable. Y a pas tard. Heureusement, welcome to the Canadian Republic of the LOL Nation. Where's the bullshit is subventionné, hein? And the maple syrup is delicious. Where's the les Premières Nations disappear, but you can go at the beautiful musée de l'histoire canadienne. Formerly named la musée de la civilisation. Ici, you're free to live with la dette canadienne. Ici, you're free to fermer le gueule when you go at the Maryland. Because it's a free de la dolphin. And when the dolphin is a free, he doesn't eat. And when he doesn't eat, he die. And it's not fun when the dolphin die in front of the children's. Look, it's Batman on your television. Just relax and merci to watch me. Puis il va y avoir une Coupe Stanley qui va être gagnée encore l'année prochaine. Ça, faut focusser là-dessus, les choses importantes. Yes, it's true! OK, je n'ai pas peur de le dire. Le Canada n'est plus une démocratie. On oublie ça tout de suite. Faut se le dire et faut qu'on en parle. Bon, pour être un peu plus franc, en fait, avec tout le monde, moi, j'ai un peu peur, en fait, de le dire parce que j'avoue qu'en 2015, je ne sais plus ce que j'ai le droit en tant que citoyen canadien de dire ou même de penser. Parce que moi, je tente de penser avant de parler. Bon, pas tout le temps. Si t'écoutes la chronique d'il y a deux semaines, j'ai pas pensé. Et cette semaine, j'ai beaucoup pensé à cette histoire-là de Tony Turner, tu sais. Et bon, faut dire, j'ai écouté aussi Divergence. Avec mon fils. Film rempli de clichés insupportables. Tellement que mon fils, il me dit, papa, ça, c'est exactement comme dans les Hunger Games. Puis tu sais, mon fils, il a pas vu Hunger Games, là. C'est cliché en tabarnak, là. Donc, on s'est tapé les trois premiers Hunger Games. 8 heures d'insupportabilité clichique. Tellement que mon fils, il me dit, papa, c'est comme pareil comme dans les Battle Royale. Et étrangement, il n'avait pas vu Battle Royale non plus, tu sais. On se calme, il a 8 ans. Et finalement, on se tape les deux Battle Royale. Dans le fond, j'ai pas trop pensé à Tony Turner. J'étais trop occupé à écouter des films toute la semaine. Redondant. Et bon, ça prend pas une grande réflexion là, quand tu lis des histoires pareilles pour se rendre compte que notre gouvernement a compris l'essentiel, c'est-à-dire rien ne sert de se cacher, il faut fabriquer les lois à point. Tout à fait. Hein? Parce que, hein, on dira ce qu'on voudra, souvent on entend les gens qui disent « le gouvernement nous ment », mais non. Il nous le dit qu'il nous ment, fait qu'il nous ment pas vraiment. C'est là que ça glitch. Fait que là, en plus, à la place de parler de son mensonge, on parle du fait qu'il a menti. Genre. Voilà. Fait que là, est-ce qu'il a menti? Mais pendant ce temps-là, on a de plus en plus de jets. C'est important, les jets. C'est ça. C'est comme des couches successives. Ouais. Voilà. Et bon, en terminant comme ça, j'ai un projet, celui d'être sous enquête par mon gouvernement. Ça va être un beau projet, ça. Yeah! Ouais, ben toi, en plus, hein, l'origine fait en sorte que t'es déjà miné. Mm. C'est ça, ben c'est comme ça. Il bon, y a une couple de mosquées qui check plus que d'autres. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais on est privilégié vraiment. On est privilégié de vivre en ces temps de l'ère vulgaire 2015, car nous vivons une véritable révolution. Hein? Et la révolution, c'est quoi? Eh bien, c'est tourner en rond. pense que je vais prendre ce voix-là plus souvent. En tout cas, je vais... T'apprends-tu quand tu parles à ton fils, des fois? Ça arrive. Mais c'est plus menaçant un peu. C'est comme... En tout cas, je suis pas sûr de la fin de cette petite chronique-là. Mais c'est ça. Fait que je vais faire des statuts qui vont dire que je suis pas d'accord avec le gouvernement canadien sur Facebook. J'espère que mes comptes seront fermés. J'espère qu'on enlèvera certaines personnes dans ma famille. Des ninjas et je souhaite un dragon. Salut. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. On n'est pas politique impliqué totalement, mais lui, il aime bien ça le critiquer. Moi, je suis candidat pour le Parti Rhinocéros. D'accord. On est en train de tourner le clip des publicités qui vont passer un petit peu partout. Et mon slogan cette année, c'est « On divise le vote pour Justin Trudeau ». Et en tout cas, on a de quoi de beau qui s'en vient. Il y a Giz qui participe, Mathieu, toute son équipe de la Maison Grid Cheese. Et je veux remercier aussi Laurent Agla, qui est un de nos chroniqueurs ici. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Toi, est-ce que t'as comme une allégeance politique? Ben, t'as parlé de Harper, tu l'aimais pas. C'est correct, on passe à d'autres choses. C'est assez, je pense. Bon, le reste, en fait... Mais le profit, un peu. Hein? Toi, tu fais ça parce que t'aimes ça, pas pour le profit. Non, c'est ça, mais c'est tout à fait l'inverse de la politique. Hein? Il faut qu'il se prépare un job. Là. Il vient de s'acheter un chalet pour sa plus grande rentrée à l'université. S'il se fait pas réélire, là, il faut qu'il paye pour ça. Là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye, puis c'est nous autres. Et voilà. Ça. Vive la corruption. Sinon, ça nous amène au dernier chroniqueur de la journée, mon cher Nicolas Davio, s'il te plaît. T'as l'air fatigué, Simon? Pas fatigué, sous le choc, Tommy. T'es sous le choc? Sous le choc, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de deuil national. En fait, c'est que cette nuit, le globe a sonné pour Télétoon Rétro. Ouais. Fait que, moi, je suis contre ça. Hein? Ben, vous le dire. On va être obligé d'aller les voir sur YouTube, hein? Là. Moi, je sais ça, des qualités VHS pas regardables. Moi, tu sais, ça me touche vraiment parce que je commençais à peine de m'en remettre de la disparition de Canal Famille. Puis là, Chris, faut qu'il m'enlève ma béquille. Télétoon Rétro aussi. Tu veux dire Canal Famille, il y a 15 ans, là? Ouais, c'est ça. C'est ça fait une couple d'années que c'est Télétoon Rétro qui me soutient, mais là, c'est-tu plus rien, on m'enlève tout, est-ce-tu? Là, je vous entends dire, ma gang de 100 cœurs, c'est pas grave, c'est la télévision. Ben, ma gang de tabarnak, comment c'est que vous pensez que vous y réagissez si vous perdiez tous vos amis d'une shot? Ça ferait mal, hein? Moi, j'ai perdu mes amis ratons. Ma gang de calices, hein? Vous êtes toute une gang d'égoïstes. Pensez donc aux autres deux minutes. Sans Télétoon Rétro, les rases moquettes vont être obligées de grandir. Sans Johnny Bravo, ben c'est la disparition des douchebags assurée. Voulez-vous vraiment d'une société sans SOS fantôme pour nous protéger? Non! On veut pas ça! Si! Hein? Puis le petit castor, vous y pensez pas? C'est la pire affaire qui est pas arrivée depuis que Yellow Molo a repris sa chanson au thème. C'est épouvantable! Puis Musclor, E-Man, hein, pour les puristes. Comment vous pensez qu'il va se recycler? Sûrement pas dans Internet. Moi, je dis, y'a-tu un coupable à blâmer dans cette situation? Moi, je dis que oui, y en a un! Puis ça s'appelle Disney, les mêmes tabarnaks qui ont pollué la programmation de VRAC TV il y a 15 ans. À bas Disney! Oui. Hein? Applaudissez! À bas Disney! Hein? Hey, n'importe quand! Hein? Ils vont le regretter en tabarnak dans deux jours, quand Goldorak, les Transformers et les Power Rangers vont former un méga robot géant super puissant pour démolir leur siège social à coups de fulgure au poing. Ils vont le regretter! quand le petit Rémi va être retrouvé dans le parc La Fontaine, sans drogue, pas d'argent. C'est pas Power Rangers vont les battre. Pas de danger. Hey, mets les Power Rangers pis tous les autres robots que j'ai nommés tout à l'heure que je me rappelle pas ensemble. On est protégés, esti. Hein? Fuck le Beyonder, mais, man. Comme dans toute situation, il y a un peu de positif que je pense qu'on peut souligner. Au moins, ça va fermer la gueule de la petite Lulu. La tabarnak. Ça m'énervait assez, elle. Puis les Calinours aussi, ça c'était un fif pas mal, cette affaire-là. Au moins, on les verra plus. Puis, mais puis il y en a un hein, qui va survivre, mais ça va être clairement de la merde. Inspecteur Gadget rentre en 3D demain à Télétoon. Ça va-tu être affreux, cette affaire-là? Fait que j'aimerais terminer avec... J'aimerais terminer avec la phrase suivante. Vous m'enlevez les pierres à feu, je vous enlève de mon forfait. Vous aurez pas une crise de scène de ma part, ma gang de tabarnak. Demain matin, j'appelle Belle. Out, Disney Channel. Yeah, yeah. Out. Va me pogner un super écran 3 à plat. Ou tu viendras hein? voir avec un disque dur, m'a t'occuper pour les 3 prochains mois. J'en ai déjà un pas pire avec Canal Famille 2.0. Mais bon. Ben là, je vais ramener, m'en rajouter des affaires de Télétoon dans cette style d'histoire-là. Hein? Ouais, c'est ça, tu peux écouter Télétoon en attendant. Hein? On va élargir notre répertoire. Fait que c'est capoté. Merci de m'avoir écouté. Puis j'aimerais dire que c'est vraiment cool parce que en fin de semaine, j'ai trouvé 3 épisodes de Génération W. Oh! Hein? Ça fait combien d'années que vous attendez ça? Ben moi, ça faisait très longtemps. Moi aussi, ouais, moi j'aime particulièrement les bouts où est-ce qu'ils parlent de Mario 64. Tu sais, maintenant, ils montrent le vieux Donkey Kong. Puis là, t'as comme, ça, c'est Donkey Kong, le premier jeu avec Mario. Là, t'as Elise Marquis qui dit, « Oh, il a beaucoup changé, Mario. Maintenant, il rend tout gonflé. » Puis tout. En tout cas, c'est en ligne. Elle est en 98, elle trouve qu'elle a changé. Hey, imagine pas aujourd'hui. C'est totalement incroyable. Fait que merci, bonne soirée. Merci Simon, hey, let's go. Va t'asseoir. Ça apprécie, tiens, on l'a fait. Ça nous amène tranquillement à la fin de ce 70% qui était pas piqué des verres. Stéphane, tu nous faisais un petit tour ou deux. Donc, ouais. Ça veut dire que nous, ce qu'on va faire, c'est tasser la scène. On va commencer maintenant, pendant que j'utilise mon dernier temps d'antenne, pour remercier l'excellent Mathieu Boudreau de sa présentation. Il y a aussi le clip des oui, deux oui, fois. Oui, oui, oui. Okay. On a Andy aussi qu'il faut remercier. Simon Portalance, oui, s'il vous plaît. Élise, il y a Nicolas Davio. Florence qui a fait une très bonne première fois. Laura Lassalle qui va nous faire le VJ dans quelques instants. Peut-être que t'as-tu besoin d'un trépied? Oui, ce serait le fun, oui. Veux-tu l'amener? Je suis là. Ce qui fait que à partir de maintenant, je vais laisser le contrôle à notre invité Stéphane Terrien. D'ailleurs, on va prendre quelques instants pour applaudir notre invité Stéphane Terrien, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là-dessus, ben, je suis pas trop loin si t'as besoin de quelque chose. Et si tu veux essayer de me brainwasher, j'ai 45 et plus témoins, man. Alors bonsoir, on va tomber un petit peu dans le concret parce que depuis tantôt qu'il essaye de me poser, de me tirer les verres du nez puis je réponds jamais à ses questions. Ça fait partie un petit peu de ma job. Manipulation. Alors ça va bien? Oui! Vous savez, OK, comme j'ai expliqué tantôt pour ceux, il y en a peut-être qui n'étaient pas là tantôt parce que je vois que c'est beaucoup plus plein. Alors je suis mentaliste et un mentaliste, ça reproduit les phénomènes paranormaux. Et je suis certain qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà vécu des phénomènes paranormaux dans leur vie. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience de déjà-vu? Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience de déjà-vu? Voyez-vous, la deuxième fois, d'habitude, ça... ceux qui l'ont compris, vous pouvez l'expliquer à ceux qui ne l'ont pas compris, OK? Alors, on va tenter une petite expérience avec vous ce soir. On va faire quelque chose de simple, OK? Parce que déjà, j'ai trouvé que les chroniqueurs, c'était pas mal compliqué. Fait que je me suis dit, on va garder ça simple, hein? Il y en a qui se sentent visés plus que d'autres, mais c'est bon. Alors, je vais tenter de lire dans vos pensées, mais pas toi. Toi, je veux pas... Je vais me perdre. Je ressortirai plus jamais. En tout cas, pas intact. La dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un comme toi, d'ailleurs, j'avais des cheveux juste avant l'expérience. Fait qu'on va... On va... C'est ça, exactement. Je les ai tout perdus après ça. Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais avoir besoin. Évidemment, je peux pas aller dans la pensée de moi-même. En fait, je peux le faire, mais ça sera vraiment pas impressionnant. OK? Alors, je vais essayer d'aller dans la pensée de certains. Je vais prendre, tiens, le monsieur qui est juste là, parce qu'il est juste là, puis qu'il regarde le menu. Fait que ça va le tenir occupé. Bonsoir. Ça va bien? Mais vous approcher juste ici. On l'applaudit, s'il vous plaît. Ton nom? JP. JP. JP, c'est exact. J'aime ça commencer fort de même, OK? JP, on va faire une expérience, mais je t'ai dit, on va faire ça simple, OK? Vu que t'es novice. Hein? Ben, à moins que t'aies déjà fait ça, tu as déjà lu dans la pensée avant? Même pas dans celle de ta blonde? C'est difficile, c'est vrai. Ah, il est gentil, il t'a donné un micro. C'est drôle, moi, je n'irai pas donner le micro à lui, mais en tout cas, c'est ton choix. Alors, on va faire l'expérience très simple. J'ai quatre enveloppes. Ils sont numérotées de 1 à 4. OK, ça, c'est pour t'aider puis pour que les gens suivent aussi. Il y a une de ces enveloppes-là qui est votre enveloppe, mon cher JP. Puis, il y en a une que c'est pour moi. OK? Alors, vous allez me regarder droit dans les yeux. Et vous allez imaginer, par exemple, l'Auto-Québec. Les boules. Avez-vous déjà vu un tirage de l'Auto-Québec? Oui. Oui, OK. Donc, il y a un boulier, il y a des boules dedans, il y a des numéros, les numéros se promènent. À un moment donné, il y a une boule qui sort avec un chiffre dessus. Alors, vous allez imaginer un boulier comme ça avec des chiffres, mais il y a des chiffres de 1 à 4. Et vous allez imaginer les boules qui tournent. Vous êtes habitué, vous, d'imaginer des boules dans votre tête? Oui, oui, oui. Oui, OK. C'est bon, c'est bon. Juste deux? Juste deux. Juste deux, juste deux. Juste... J'ai vu son regard, puis j'ai cru bon de spécifier. Alors... Alors, vous allez imaginer les boules dans votre tête de 1 à 4 et vous mélangez les chiffres. Alors, vous mélangez. Regardez-moi dans les yeux, arrêtez de regarder ailleurs, vous mélangez les chiffres et je vais essayer de vous arrêter sur le bon chiffre, OK? Alors, vous mélangez. Stop! À quel chiffre vous pensez présentement? 1. Le 1. Excellent. Non, c'est vrai? C'est bon. OK, enveloppe numéro 1. Et il ne me croit pas tout de suite. Ouvrez-la pas tout de suite, gardez ça, OK? C'est là qu'il va être fourré parce que je vais prendre une autre personne puis il va dire « Fuck, je vais me manquer de micro. » Alors, je vais prendre... tiens, le monsieur qui est juste là, celui qui a la barbe. La moitié de la salle se retourne. Maxime! C'est Maxime, on applaudit Maxime. Bonsoir, Maxime. Salut. Ça va bien? Oh oui. Oui, oui. Faites quoi dans la vie, Maxime? Ah, plein d'affaires. Je fais des vidéos sur Internet. Faites des vidéos sur... OK, je... Des petits okay, vidéos. C'est beau. On va pas le savoir. On veut pas le savoir. OK, non, pas des vidéos dans cette... OK, je peux me dire, il me semble, je l'ai déjà vu c'est dans... des petites vidéos, là, avec le téléphone bien proche de... Ah, OK. Pas les autres sortes non, de non, vidéos. Non, pas ces vidéos-là. Non, OK. Bah, j'en fais aussi, mais... Oui, mais pas... C'est privé. C'est privé. OK. Alors, vous avez compris le concept. Ouais, donc, il y a une de ces enveloppes-là qui est la vôtre. Oui. Alors, je vais essayer de vous de lire dans votre pensée pour trouver le bon chiffre. Alors, il reste le 2, le 3, le 4. Vous mélangez, vous me regardez dans les yeux et vous mélangez les chiffres. Vous mélangez 2, 3, 4, vous mélangez ça. Mélangez. C'est le fun parce qu'il brasse la tête. J'aime ça. Il veut vraiment que ça... Regarde, c'est vraiment aléatoire. OK. On y va. Stop. Celui-là. Quel chiffre? 2. 2. Excellent. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en ordre non plus, mais c'est le fun. Ça marche bien. OK, 3-4. Il reste 3-4. On va prendre... attends un petit peu. Est-ce quelqu'un qui n'a pas de barbe dans la salle? Existe-tu? Ah, il y en a un qui n'a pas de barbe. On va prendre le pas de barbu. J'en avais un avant. Bon, ça. C'est vrai? À tomber? Non, une gomme qui a pogné dedans. Hein. Alors, quel est votre nom? Gab. Gab. Et votre prénom? Gabriel Gab. Ouais, c'est ça. C'est pas payé. C'est original quand même? Ouais. Vos parents étaient originaux ou cousins? C'est un des deux. On n'est pas sûr. On est presque. Il dit presque. C'était frère et sœur. OK. Alors, il reste la 3 et la 4. OK? Vous avez compris le principe encore une fois? Alors, vous mélangez les chiffres dans votre tête. Vous mélangez 3, 4. Il y a juste 3, 4. Fait que ça va être facile. Vous pouvez y aller à reculons aussi si vous voulez essayer de me mêler, mais ce n'est pas grave. Je vois clair dans votre jeu. Alors, allez-y. Mélangez. Oups, non, pas celle-là. On continue. Il revient tout le temps, c'est la même, tabarnouche. On continue. Stop. Celle-là. La 4. Excellent. Alors, vous allez prendre l'enveloppe. Messieurs, c'est le moment de sortir le contenu de l'enveloppe. OK? Vous allez voir à l'intérieur. Il y a un petit bout de papier comme ceci. OK? Vous allez le sortir. Vous ne le dépliez pas tout de suite. Faites juste le sortir. C'est beau? Tout le monde a son bout de papier? Oui? OK. Alors, j'ai dit au début que j'allais utiliser la télépathie afin de vous guider vers la bonne enveloppe. Parce que je vous ai dit qu'il y avait une des enveloppes qui était la vôtre. Et j'ai dit la même chose ici et j'ai dit la même chose ici. On va vérifier un à la fois. On va commencer ici, mon cher. C'est quoi déjà votre prénom? JP. JP. Vous avez une bonne mémoire, JP. C'est vrai, ça faisait quand même 5 minutes, j'y avais demandé. JP, vous allez déplier le papier et on va voir si effectivement j'ai eu la bonne j'ai fait les bons choix et est-ce que cette enveloppe-là, c'est la vôtre? On regarde ça. Suspense. Et effectivement, cette enveloppe, c'est la vôtre. Impressionnant, impressionnant. C'est fort, c'est fort. Est-ce que cette enveloppe, c'était la vôtre? Vérifions, suspense. Et cette enveloppe, c'est la vôtre! Est-ce que cette enveloppe, c'est la vôtre? Et c'est effectivement la vôtre. Merci beaucoup. Merci. Mais il y a une seule enveloppe qui n'a pas été choisie, une seule. Et cette enveloppe, croyez-le ou non, c'est la mienne. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Donc, il y a des torches sous chaque chaise. On a un bûcher de préparer en avant. On va pouvoir éliminer le malin. S'il vous plaît, veuillez empoigner votre torche. Non, non. Merci beaucoup, Stéphane Thérien. Allez aimer sa page Facebook et tout et tout. Wow. Ce qui va nous amener, en fait, aux deux clips qu'on a en primeur ce soir pour vous. Je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire. J'ai l'impression qu'on va mettre les deux folles en premier. On est tous, y en a beaucoup qui sont ici pour ça. Il y a plusieurs visages que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Salut Anne-Marie, très content de voir tout le monde. Sinon, ben à partir de ce moment-là, est-ce que tu veux venir en parler un petit peu, Marianne? C'est un vidéoclip sur Un furet, un panais, une de vos chansons. L'album est disponible aussi. Pourquoi tu veux pas venir tout seul? Sinon, j'ai un peu trop peur de toi, Tommy. Tu m'impressionnes. Ah ouais, c'est sûr. C'est l'odeur, genre. Faites ça vite, là, on veut voir le clip. Alors, un furet, un panais, comment décrire, René? Une ribambelle d'action vraiment très difficile à focusser parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'amis qui nous ont aidés. Et un furet merveilleux. Et voilà. D'ailleurs, plutôt que de parler du vidéo, ben, je vais en profiter pour remercier les gens qui nous ont aidés à réaliser tout ça, nos marionnettistes. On a l'équipe Petit Pas et Louis-Ernest Bois. On a toute la maison Grey Cheese. Merci beaucoup. Puis je vous remercie d'être ici ce soir pour voir Andy Jacques, sans oublier Andy, dans son plus grand rôle. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. On vous laisse découvrir. Sinon, on nous trouve... Et voilà. Merci à vous deux. En fait, moi, je vais ensuite, on va écouter une primeur des pile-poils. Je ne viendrai pas vous achaler entre les deux clips. Ce qui va nous amener, la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un parler au micro, ça va être Laurent ou Kasi qui sont là-bas, qui vont être nos VJ pour la soirée. Donc, merci beaucoup aux deux folles. Allez les aimer sur Facebook. Les albums sont disponibles et en vente. Allez les voir, ils sont contents de parler de ça. Les pile-poils, ben, ils sont dans la gang. On les aime bien gros. Et là-dessus, place à farmer ma gueule.